Parce que n'importe quel juif, n'importe quel chrétien qui lit le Coran avec les yeux de la raison va trouver des contradictions. Et comment vous allez faire, vous, pour lui expliquer qu'il n'y en a pas de contradictions? Vous allez lui parler avec le cœur. Il ne va pas voir, puisque lui, ça ne lui parle pas. Parce que pour que ça lui parle, vous savez ce qu'il faut? Il faudrait quelque chose qui nous dépasse tous. Que Dieu décide qu'il va voir.